cousine de l'association volontaire et du service de portage de repas de Sainte-Marie des familles Pétris, Négroba, Saint-Sinatus, Terrine, Germanie, Féliciane, des parents amis et alliés. Les condoléances se feront sous le parvis de l'église avant la cérémonie. Une présentation de corps aura lieu au salon de recueillement La Salle demain, mardi 8 août à 14h. Les obsèques de Monsieur Sainte-Rose Armand, surnommé Fulbert, décédé dans sa 86e année, seront célébrées demain mardi 8 août à 15h30 en l'église paroissiale du Lorrain. Le cortège se réunira sous le parvis de l'église. L'inhumation se fera au cimetière du Lorrain. Cet avis est diffusé de la part de son épouse, Jacqueline Sainte-Rose, née Zézo, surnommée Paulette, de ses enfants Philippe et Michel Sainte-Rose, de ses petits-enfants, de ses sœurs Arlette et son époux Debar Nomar, Ninotte et son époux Marcel Canuti, Louise Codol, surnommée Sia, et son conjoint, de son frère de cœur Victor Selcal, surnommé Bertrand, et son épouse Marie-André, de ses neveux et nièces, cousins et cousines, de ses filleuls, de ses beaux-frères et belles-sœurs, des familles Sainte-Rose, Zézotte, Selcal, Grappin d'Or, des parents amis et alliés. Une veillée aura lieu aujourd'hui au quartier Séguinot, au Lorrain, de 17h à 21h. Les condoléances se feront sur le parvis de l'église avant la cérémonie. Les obsèques de M. Ulinda Sanson, surnommé Sanson, artisan boucher à la retraite, décédé dans sa 74e année, seront célébrées demain mardi 8 août à 10h en la salle paroissiale de la cathédrale de Saint-Pierre. Le cortège se réunira sur le parvis de la salle. L'inhumation se fera au cimetière du Morne-Rouge. Cet avis est diffusé de la part de son épouse Jeanne-née Hippolyte, de ses enfants Max et sa compagne Jessie Wowell, Sabrina, Jonathan, Dominique et son époux Michael, Lina, de ses petits-enfants, de ses frères et sœurs Marie-Jo, Saint-Ange, Symphonide, Jacqueline, Simone, Isabelle, Marcel, Alex, Michel, Patrick et leurs époux et épouses, de ses neveux et nièces, cousins et cousines, d'Alex et José, Louis-Joseph, des familles Ulinda, André, d'Agiste, Hippolyte, Félicien, des parents amis et alliés. Un recueillement aura lieu aujourd'hui de 17h à 21h à l'espace La Renaissance des pompes funèbres Melgire, cité artisanale quartier Trois Ponts à Saint-Pierre. Les obsèques de Madame Rabout Boniface Éléonore, de l'équipe du Rosaire de Saint-Laurent, de la société Saint-Vincent de Paul, de l'équipe des funéraires, décédée dans sa 99e année, seront célébrés le mercredi 9 août à 15h30 en l'église paroissiale du François. Le cortège se réunira sur le parvis de l'église. L'inhumation se fera au cimetière du François. Cet avis est diffusé de la part de ses enfants, Jean-Louison Hilaire Léger, Arlette Rabout, Pierre Rabout et sa compagne Pierrette Populo, de ses petits-enfants, de ses neveux et nièces, de ses cousins et cousines, de ses filleuls, des familles Rabout, Louison, Lerger, Galonne, Soutardson, Caréto, des parents amis et alliés. Une veillée aura lieu demain mardi à la zone de Trianon, derrière le stade du François, de 18h à 22h. Les condoléances se feront sur le parvis de l'église. Martinique la première, et très sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. Vous ont été présentés par la mutuelle MGPA, votre partenaire santé et prévoyance au quotidien.

des gens qu'on imagine. En première page des magazines, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Ces rêves qu'on assassine. Ce soir il s'est passé quelque chose. La bête a trouvé porte close. Ce soir il s'est passé quelque chose. Ah, yeah. Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Aboubacar, 53%, élu président de la République. Il y a du monde à la Bastille, des grands bourgeois, des sans-papiers. Et sous les réverbères qui brillent, salue la foule en liesse. Ma république est une déesse. Et la voiture du président remonte lentement les champs. Ce soir il s'est passé quelque chose. La bête a trouvé bon secours. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Cannot buy me all. Oh, oh, oh, oh. Cannot, cannot, cannot buy me all. approche-toi et montre-moi si tu sais un peu danser. Je peux sentir ce feeling qu'il y a entre nous. Tes mains sur mes hanches bien placées. Cannot, cannot, cannot, cannot find me up. À Ducos, 92. La première. 31 juillet au 25 août. Jouez dans Matin Pays avec Alexandra à question.mapipi entre 5h et 8h. Répondez aux questions sur le patrimoine de la Martinique. Histoire, faune, flore, géographie, gastronomie et gagnez de nombreux jeux de société édités par Sabine Andrivon Milton. Question.mapipi tous les matins entre 5h et 8h avec Alexandra sur Martinique la Première. À la Première. 14h, 15h. Musique Bocaille. Première. Éclairé ou doudou, soufflé, tout ça qui vient vrai. Déclaré ou doudou, soufflé, il est pour mailler. Déclaré ou doudou. Premier regard, coup de ciel, amour, en partir tout s'amender, enflammé, toute file pensée, en frémi en trouver l'amour, éclairé, chimamélé, francisé, pégosé, mes chéris tout doucement, yeah, mais où ça pouvait aller? Coup de ciel d'amour, en partie tout s'amener. Célébrer tout ça mouillé, merci c'est pégosé. Chérie tout doucement, yeah. Mais où ça m'est allé? Mais chérie tout doucement. Il n'y coule ciel qui plein d'amour, car il est l'amour la terre.

première. Au Vauclin, 100.9. La première. Struck me down lightning, thunder in my soul, baby. My heart beats for you only. Every word is true, I'm in love with you. Take you as you are, lady. You ain't got a change for me. Need you from your crown, honey. Right down to the sole of your very feet. Girl, my love grows stronger each day, baby, please. Don't hurt me just because you know I'll forgive. Girl, my love grows stronger each day, baby, please. Don't hurt me just because you know I'll forgive. Hold me until we die. Weather together the storms of life. It won't always be sunshine. Baby, we're flames of imperfection. Oh, oh, oh. Give me your heart and soul. Love me like you've never loved before. Beautiful morning dew, I'll be your shoulder to cry on to. Girl, my love grows stronger each day, babe. Don't hurt me just because you know I'll forgive. Girl, my love grows stronger each day, babe. Don't hurt me just because you know I I'm not afraid to la première. Du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a paumé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi, aussi, aussi. Je l'aime, je l'aime, je l'aime à mourir. Je l'aime, je l'aime, je l'aime à mourir. Je l'aime, je l'aime, je l'aime à mourir. Elle vit de son mieux, son rêve de palude. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte, cachée sous les toits, clouer des notes, sabots de bois. Juste m'asseoir, doit pas parler, doit rien vouloir, juste essayer. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi, aussi, aussi. Je l'aime, je l'aime, je l'aime à mourir. Je l'aime, je l'aime, je l'aime à mourir. Dans les vacances, vivons Martinique, merveille du monde. Tous les samedis de 9h à 15h au Domaine des Brodes, jardin remarquable, Vini West House Affair. Profitez en famille, entre amis de ce cadre exceptionnel et découvrez des activités de notre patrimoine naturel et culturel. Arts plastiques, ateliers créatifs, musique et bien d'autres activités pour petits et grands. Tous les samedis jusqu'au 12 août, Vini West House Affair. Venez participer à des activités originales au cœur du Domaine des Brodes, jardin remarquable, avec la CTM et la ville du Monde Rouge. Plus d'infos au 05 96 645 645 06 96 333 781. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux PNR-Martinique. Music Bocaille, un concentré de tubes. You dis moins fort, pâti. Avec toi, je fais une cause et l'histoire à l'aise. Dans ta vie, y'a pas que du rose, y'a rien qui te. Ferme les yeux et repense à ces moments du temps. Comme tous ceux qui ressurgissent quand un homme toujours mis à t'échanter, des cafés nous songer. Premier danse, premier baiser, tes mots nous y est d'entier. Ça qui fait faire souffrir, y'en a pour faire oublier. Y'en a même oui, de faire quoi avant ciel à te plier. Je suis né loin d'ici. Fais-toi une confie, brise dans tes souvenirs. Tu trouveras quelques traces indélébiles qui te rendront le sourire. Toi la chaleur d'une flamme. histoire d'amour ou d'amitié. Choisis un rêve et un mélange d'images, même si c'est pour t'en blesser. Ah, dans l'esprit où tout n'est yo pas de papage, où est la vie où les séances y font. Le Flash, Jeanne Mézia. Bonsoir. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays. Les propos du ministre de l'Intérieur cet après-midi sur Twitter. Il demande la dissolution de l'organisation catholique intégriste Civitas après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo lors d'un rassemblement à Pontmain en Mayenne. Gérald Darmanin dénonce des propos ignominieux. Le procureur de Sarreguemines en Moselle émet des doutes alors qu'un Allemand de 55 ans est en garde à vue, accusé par sa femme de l'avoir séquestré à Forbach depuis 2011. Sa garde à vue va être prolongée. Le procureur de la République est notamment prudent sur le terme de séquestration. Il souligne qu'aucun élément n'apparaît clairement aux yeux des enquêteurs pour le confirmer. Pas de déploiement militaire au Niger au lendemain de l'expiration de l'ultimatum posé par les dirigeants africains de l'Ouest. Ils demandaient aux putschistes le retour de l'ordre constitutionnel. La CDAO menaçait d'une intervention militaire pour rétablir le président Mohamed Bazoum. Cette intervention n'a pas été déclenchée. Un sommet doit avoir lieu jeudi pour faire le point sur la situation politique. Les États-Unis estiment qu'il est encore possible de mettre fin au coup d'État par la diplomatie. Au moins 5 personnes mortes aujourd'hui dans l'est de l'Ukraine après le tir de 2 missiles russes sur un immeuble résidentiel, le de Pokrovsk, c'est ce qu'indique Kiev, un responsable des secours fait partie des victimes. Les quantités de plastique rejetées dans les océans seraient inférieures à ce qui était estimé par les scientifiques jusqu'à présent. C'est le résultat d'une étude menée aux Pays-Bas et en Allemagne, moindre en quantité donc, mais plus durable, c'est-à-dire qu'il reste plus longtemps dans l'océan. La qualité de l'eau de la Seine était finalement suffisante. Dimanche, un test de natation devait avoir lieu en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il a finalement été annulé en raison de la pollution du fleuve. Les derniers résultats d'analyse ne sont arrivés qu'aujourd'hui et ont donc eu raison de l'épreuve. Un nouveau test doit avoir lieu dans 10 jours pour des épreuves de triathlon. Bruno Le Maire ne traitera plus des dossiers concernant Aéroport de Paris. Le ministre de l'Économie est écarté en raison des liens de famille avec le PDG d'ADP. Augustin de Romanet est en effet l'époux de la sœur du ministre. Les refuges de la SPA sont tous saturés avec plus de 8000 animaux pris en charge fin juillet. Habituellement, ce sont 7500 animaux qui sont en refuge à la même période. Le président de la SPA explique que l'association ne peut plus accueillir d'animaux si aucune place ne se libère. Le réalisateur américain William Friedkin est mort à 87 ans aujourd'hui. Il avait reçu un Oscar pour French Connection en 1971, avait réalisé L'Exorciste 2 ans plus tard. Il s'est éteint à Los Angeles. Sa santé était déclinante. Le perchiste Renaud Lavillény, forfait aux Mondiaux de Budapest, blessé à la jambe. L'athlète de 36 ans espère recharger les batteries à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et puis, le Français Anthony Jeanjean a chuté en finale des Mondiaux de BMX en Écosse aujourd'hui. Le triple champion d'Europe de 25 ans a raté ses 2 courses et buté à chaque fois sur la même figure. « Je reste concentré sur Paris 2024 », a déclaré l'athlète. « Je serai prêt ». C'est le Britannique Kieran Rahi qui a remporté le titre. Merci beaucoup. L'info reviendra donc à 16h avec nos confrères de France Inter. Il est déjà 15h, passé de 3 minutes. 15h, 18h, Formule Vacances avec Mickaël. Formule Vacances. La formule vacances ben, continue, la formule bat son plein. Nous sommes d'ailleurs à quelques semaines de la fin des vacances, mais vous avez vécu une belle semaine, la semaine du Tour de la Martinique des Yoles Rondes. Donc on peut que remercier tous ceux qui ont participé à cette épreuve. Vraiment, c'était formidable. Même la dernière étape était exceptionnelle. On va tout simplement féliciter M. Félix Mérine et puis lui souhaiter aussi bonne continuation dans ses prochaines aventures. En tous les cas, merci encore pour tout ce qu'il nous a donné comme, comme motif aussi d'envie aussi de faire des choses, parce qu'il le dit toujours, quand on a envie, on y va et on réussit. En tous les cas, merci à M. Félix Mérine. Donc, merci aussi à tous ceux qui sont déjà branchés, qui sont connectés. Cet après-midi, nous allons partir jusqu'à 18h avec M. Christian Gézoff, qui sera notre invité. Et puis, merci aussi à Alexandra et Federica, qui vous ont tenu compagnie, plus M. José Dalma, donc jusqu'à 14h. Bon début d'après-midi, c'est Rodrigue Calix qui nous accompagne cet après-midi. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. ser dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero. Eres tú la que me da inspiración. Sin ti me muero. Me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero. Si no estás siento desesperación. Sin ti me muero. Siempre amarte será mi tocación. Tienes tumbao. Ándate de chulo, no camina de lado. Diosa de la noche, dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. La première au Marigot 92. La première. ¿Quién bebe con mi mujer? Si no es casado, se casa. Pero el que llega a mi casa, si es casado, echa a correr. Eso no es una mujer, eso es una tinturera. 13 août, le Parc naturel régional de la Martinique et la ville de Grand-Rivière vous invitent à une journée de sensibilisation et de partage autour de la biodiversité locale. Au programme, nettoyage de plage, village éco-citoyen avec l'Atlas de biodiversité communale, des jeux, de nombreux stands et un show avec Belle et l'Éveil. Venez participer et échanger sur la faune et la flore de notre territoire et l'importance de la préserver ce dimanche 13 août de 8h à 19h sur le front de mer avec la ville de Grand-Rivière et le PNRM. Plus d'infos au 05 96 645 645 et suivez-nous sur nos réseaux sociaux PNR-Martinique. Un événement à vivre avec Martinique la première. Les meilleurs moments sur Martinique la première. Voilà, il est déjà 15h, passé de 23 minutes à l'écoute de Martinique la première. Merci d'être là. Nous sommes dans l'émission, je vous rappelle, la formule vacances. Nous sommes en vacances et vous venez de vivre, je vous l'ai dit, le tour des halls terminé. Donc, on va rebalancer sur d'autres suspices avec nos artistes qui viendront, comme d'habitude, faire du live cet après-midi. Petite exception, il n'y aura pas de live, mais simplement on va recevoir un artiste, l'un de nos grands, qui a fait voyager aussi notre musique dans le monde entier, on le sait déjà. Ce serait même par le chant, par le tambour, par les instruments dont il joue. Donc il est avec nous cet après-midi. Il s'agit de Christian Jezoff. Christian Jezoff, bel bonjour. Comment ça va, Christian? Bel bonjour tout le monde. Hein. Bel bonjour, Michael. Tranquille, ça va. Ça va bien? Nous en mode vacances. Alors certains qui disent, ouais, où est-ce qu'il est passé, on ne le voit plus, mais il est là. Il est bel et bien là. Un peu en bafaille, mais oui. Il est là. Il est là toujours combatif, même si c'est-à-dire que le cadavre bouge toujours. Ça, l'on bafait la pipa Camouillot. Ah, il y a Spéta aussi. C'est bien parti. On bafait la pipa Camouillot. Alors, Christian, pour nos amis qui sont en vacances, qui ne te connaissent pas, tu nous viens de quelle commune? Eh bien, moi, je suis né... C'est un peu compliqué, hein, comme beaucoup de gens de Martinique. On est en côté, quand même. Alors, je suis de Sainte-Thérèse. Mon père, la souche de ma famille est du Robert, Chapelle Villarson, Monéo. Et ma mère est de Montcapo, au Lorrain. Mes parents se sont rencontrés à Sainte-Thérèse dans les années 50 et quelques. Et voilà. Et Christian Joseph est à Sainte-Thérèse. Et mon père avait un garage et puis une station-service devant le Pit Fofo. Le Pit Fofo qui était à Sainte-Thérèse. Et puis lorsqu'ils ont agrandi la route, il voulait le déplacer, donc il s'est déplacé, il n'a pas continué la station-service, il a monté son garage à Sainte-Thérèse, là, oui, près de ceux qui connaissent, il y avait le reflet des îles. Tout à fait. De l'école primaire de Sainte-Thérèse, où j'ai fait aussi une partie de ma scolarité à Sainte-Thérèse. J'ai fait une partie à Châteaubœuf, une partie à Sainte-Thérèse. Voilà. Pas de parents musiciens? Non, pas de parents musiciens. J'avais un seul cousin qui était musicien, c'est Daniel Siger. Oui, qui est parti il n'y a pas longtemps. J'ai un petit cousin, Hervé Héry, qui est musicien aussi, mais avant nous, Daniel et moi, il n'y avait pas de musicien. Et même quand j'ai demandé à mon père de m'offrir une guitare pour un de mes anniversaires, il m'a dit, voilà, c'est vagabond, je voulais faire quand même, je suis en livre. Bon, bref, mais donc la musique n'était pas... Dans la famille, pas, c'était pas oui, encore... Oui, non, on n'avait pas le droit de citer même dans la famille. Écoutez, l'école... Mon père était très, très mélomane, il achetait des disques, soit il y avait plein de disques à l'époque. Mais c'était l'époque des disques de Sylvie Vartan, des années 60, c'était ça, hein, Johnny Hallyday, Pascal Danel, Mike Brandt. Dans la petite télé noir et blanc, on voyait ça également. Moi-même, je me souviens que j'avais mon cahier de chant, parce qu'on avait, on écrivait les chansons pour apprendre les chansons. Effectivement. Tu vois, et Mike Brandt. Oui, c'était un des moteurs de l'aliénation. Hein. Tu sais, la musique a une force qui peut être utilisée de différentes manières. Mais à cet âge-là, t'avais pas encore l'envie de te dire, voilà, j'ai envie d'être musicien. Il y avait pas encore ça dans ta tête. Hein, non. C'est-à-dire que quand j'étais petit, non. Mais en grandissant, oui. En grandissant, j'avais déjà cette fibre-là. Hein. Je me souviens même quand mon père parlait avec ses amis et puis il ne se souvenait pas d'une chanson, c'est moi qui l'appelais. Il regardait, mais dansez, bah, comment il y a quoi danser ça? Donc j'étais déjà un peu showman hein, quand j'étais très, très petit. Mais je n'avais pas l'occasion réellement de m'exprimer sur ça. Quoi. À quel âge que ça a démarré? On apprend à connaître un peu la vie de... Ça a démarré peut-être 13-14 ans. On faisait des flûtes avec les machins de papaye, les tiges de papaye. Bien sûr, j'ai connu ça. On ne trouvait pas encore le bambou, les papayes c'était encore pour nous plus facile. C'était des flûtes éphémères. C'était la flûte durait un jour ou deux jours maximum. Mais comme il y avait partout des papayers, donc on avait accès à ça, donc et puis après, il y avait la maman de René Louise Elle avait une boutique, on est Louise, et de, c'est à Châteaubœuf, en fait. Parce que mes parents ont déménagé au moment de Sainte-Thérèse et on a habité à Châteaubœuf, c'est là où j'ai continué à grandir. T'as connu Cazot, alors? Cazot, oui, c'est les voisins de Monde-Morisseau, plus haut. Il m'a parlé de Châteaubœuf, donc. Oui, Châteaubœuf, oui. C'est d'abord. Oui, Châteaubœuf a une grande histoire. Hein. Il y a même un livre, Maurice Moreton a écrit un livre, Châteaubœuf, ou si les gens qui peuvent être intéressés par l'histoire de Châteaubœuf, il a tout compilé. Il y a tout. On peut vraiment découvrir le nom Châteaubœuf ou quoi, etc. Il a. C'est un livre que je recommande. Châteaubœuf de Monsieur Maurice Moreton. Tomboy. Ben, j'ai bien rigolé une fois, on m'a dit qu'il y avait un vin en Martinique, c'était... Châteaubœuf. Pas mal. Oui. Alors à cet âge-là, donc, tu avais déjà cette fibre, tu avais déjà envie de jouer. Donc je voulais faire la guitare. Mais tu sais déjà pas la flûte. Au départ, c'est la guitare. Parce que il y avait un ami à la famille qui venait en Martinique, c'était un Guadeloupéen, il s'appelait Frédéric Dorissami, et il venait avec sa guitare, il jouait la guitare, et il me laissait gratter la guitare sans que mon père voie. Essayez, pour l'instant, monsieur, tu connaissais pas. Oui, c'est gratter, touche à la guitare, il a touché à la guitare, c'était une bonne chose. C'est après ça que je demandais à mon père une guitare, il m'a dit non, définitivement non. Donc, n'ayant pas d'autre solution pour faire de la musique, il fallait qu'on la fasse avec les instruments qu'on avait à portée de nos mains, donc tibois, chacha. Et je disais que Madame Poléwood, qui était la mère de René Louise, elle avait une boutique, donc on lui disait de mettre le baril devienne salé pour nous sur le côté quand il sera machin, et puis parce qu'on allait faire des courses là, on allait à la boutique souvent. Et elle nous mettait le baril de côté quand il était vide. Et on attendait qu'on tue un mouton ou un cabri pour l'arriver à serre, récupérer la peau. Je dis, attends, ton ancien cliché, bon, la peau, ma chérie, faut pas avoir ça. En plus, la peau, on a senti, l'oreille sec. Donc, il faut mettre des secs, mettre ça dans l'air. Loin qu'il a. Il faut mettre ça dans l'air à l'époque. Oui. Pour dire honnêtement, il y aura fait un tabou. Et c'est comme ça qu'on a commencé à fabriquer nous-mêmes nos instruments pour pouvoir jouer de la musique. Et la musique qui était inhérente à cette orchestration, c'était la musique du pays. Voilà. Musique du pays, donc... et puis voilà, on a commencé ça, comme ça. Ça a démarré comme ça, donc pas de groupe. Et en grandissant, on entendait beaucoup de gros cas. Et le gros cas a pris une très grande importance dans les années 70 à Martinique. Mmh. Parce que le tambour belay, le Groka. Non, le Groka, parce que le tambour belay n'était pas à cette époque-là. Il y avait qu'un seul disque de belay, c'était le disque de qui était en vente publique. C'était le disque de Thiemil, où il y a Mosé Marie-Jeanne, voilà. Ticano, etc. Il y avait que ce seul disque-là. Et tandis que en Martinique et en Guadeloupe, il y avait deux producteurs, Deps et Cellini, tout à fait, qui produisaient du Groka. Et qui était en concurrence. Et ils avaient tous les deux des magasins de disques ici. Donc ils pouvaient distribuer le Groka. Et nous, jeunes, cherchant à nous émanciper, à nous recentrer sur nous-mêmes, on n'avait pas d'autre choix que de jouer le Groka. Et parce que c'est ce qu'on entendait le plus. Hein. Je me souviens d'un festival Émile Laposte. C'est un très grand festival de Groka qui a eu en Martinique dans les années 70. Émile Laposte avec Vélo, Takuta, Anzala, etc. La grosse machine. Mais parce qu'il y avait un relais commercial ici, il y avait un relais, donc les productions européennes arrivaient ici facilement, et on n'avait pas de production martiniquaise. Et ensuite, en plus de ça, le tambour belay à l'époque, on ne l'accordait pas. Il fallait le battre, le chauffer la peau et puis taper sur les côtés pour resserrer tout le temps. Donc, lorsqu'on a commencé à jouer, à faire surtout le cheval bois. Alors justement, le cheval bois, on n'avait pas d'autre choix que d'utiliser le cas guadeloupéen. Qu'il y avait toutes les fréquences sonores qu'on cherchait étaient dans le cas. Ce qui me surprend et qui surprend peut-être les auditeurs, c'est que né à Fort-de-France, on aurait pu penser que tu aurais peut-être pu aller vers une autre forme de musique, mais le belay, le groka, le tambour pour toi a été quand même l'élément déclencheur de... Non, j'ai toujours aimé la campagne. Tu sais, même si je vis en tout cas, en ville. Vous les Fort-de-France, mais en tout cas, plutôt oui, la campagne. Oui, mon cœur était toujours à la campagne. Et chaque vacances, on est qu'à monter, pendant toute enfance, moi, chaque vacances, monter la Monéo. J'étais chez mon parrain, chez ma grand-mère, dans mon espace familial, quoi. Mm-hmm. Et j'aimais ça, vraiment, hein, j'aimais ça. Et d'ailleurs, l'un des premiers morceaux, mon premier morceau a été pour les agriculteurs, Sobaka Soso Vieneg. Ah. Donc c'est un morceau que j'ai écrit en hommage à ces personnes qui nous nourrissent et qui sont dénigrées, qui sont pas valorisés, qui sont pas reconnus, alors que ce sont elles qui nous font manger, qui nous donnent à manger, qui nous tiennent debout, parce que il faut des vitamines, il faut de l'énergie, et ça c'est de la nourriture. Et la nourriture saine que ces gens-là produisaient, malgré qu'ils nous faisaient manger, ça, c'est le même problème avec les pêcheurs, etc., tous les gens. J'ai fait un morceau aussi, l'accès au mot aussi, où les pêcheurs aussi, dans ce même cadre-là. Les gens qui sont essentiels pour nous étaient dévalorisés. Aujourd'hui, je vois à la radio, c'est bien quand on donne aux agriculteurs un coup de main, les pêcheurs, machin. Si. Non, mais à l'époque, ça va être ça. Mais moi, je trouve ça super que d'épauler ces gens-là, d'épauler particulièrement ces gens-là, les agriculteurs, les pêcheurs, les gens qui nous donnent à manger au quotidien des produits frais, quoi. J'avais déjà ce regard sur la vie martiniquaise en général. Oui, j'avais déjà ce regard sur la vie martiniquaise. Même le morceau que j'ai fait, Tropsel. Maintenant, tu sais, maintenant, quand ils font la pub, on te dit bougez, ne mangez pas ni trop salé, ni trop sucré. Justement. Eh bien, Tropsel, c'est un morceau qui parle de ça. On avait déjà vu ça 20 ans, 30 ans avant qu'ils fassent ce truc-là. Il suffit de demander, Christian. Dans Calalou, Adam Kouboyon, Poulet en gâteau, Poulet en confiti, Et puis pendant le jour, les nous qu'à manger ça, nous qu'à déchirer ça, en patate maman j'ai mis dia, qui fait m'en souffrir comme ça, en patate maman j'ai mis dia, qui fait m'en souffrir comme ça, pourtant, Adam Calalou. Dans le bouillon, poulet en gâteau, poulet en confiti, et puis piment, et puis banane jaune. Les nous qu'à manger ça, nous qu'à déchirer ça. là, c'est le pied, ça c'est clair et net. Là, toi, c'est là, tu es mon bon, tout le monde a l'effet régime. Hein. Oui. Non, mais à l'époque, nous déjà. Non. Mais mon déca coûté en mission à l'époque, docteur Garayib, qui déca parlé des problèmes là, liés à. Alimentation, nous, il y a le monde, oui. Il y a le monde qui a fait tension, le monde qui a différentes maladies liées à l'alimentation. Donc, tout le monde qui a fait tension, Martinique. Ah, oui. Bah, parce que ça lié à l'histoire, nous. Hein, parce que il fait nous manger le lomo, oui, il vient saler. Et une seule. Il vient saler, oui. C'est des bagailles de cas conservés. Oh, mais jusqu'à maintenant, nous, qu'on mange toujours. Dis-je, nous, dans le paradigme. Nous, dans le paradigme, mais c'est difficile de sortir en paradigme, non. Comment je n'ai pas dit le cochon. Oui, il y a des gens qui parlent à manger et lentilles, c'est pas ni. Bien cochon. Bien cochon. Là, tu es cochon. Oui. Tiens, écoute, là, tu es cochon. Non, bon, mais quand même, là, tu es cochon, sauce piquante, c'est aussi bon. Aussi. Donc. Non, mais c'est clair lié à San Coiffé. Nous, on va parler de musique, mais c'est clair lié aussi à toute la vie martinique. Ah, vie martinique, bien sûr, puisque en fait, c'est des moments, des tranches de vie que nous avons. Que nous avons raconté à Volatier, du temps de vie, des époques. Des époques aussi. Époque là. Et là, Christian, à l'époque, tu es là, on est venu monter. Alors, pour le monde qui peut connaître, c'est bon, on a envie de savoir, Pakatak est arrivé quand? Pakatak, très né important. Et en août 1979. Parce qu'avant ça. Criez pas au qui. Avant ça, attends, je vais te donner l'histoire. Il y avait un groupe qui s'appelait Negmaron. Negmaron, qu'on avait créé avec Bago, tout ça, dans les années 76, machin. On avait un groupe qui s'appelait Negmaron, nous rachetons pour tout partout, particulièrement Rivière-Salée, qu'on était bien, hein. Mais nous rachetons pour tout partout, bon, là, ça vend, devant ces marchés, dans ces communes, et l'ICA, en fin décembre, différents côtés, nous devons jouer tambour, nous devons mettre ambiance, c'est mon intérêt invité nous à danser mon homme bac là, mm-hmm. à l'époque, pour jouer tambour, dans, parce qu'après bac là, tout le monde qui réussit, télé, ni tambour, ben, comme ça. Donc, nous devons jouer comme ça, par plaisir, Neg Marron, et puis, à un moment, Dédé s'est pris jouer, puis, Bago, à dans E+. Ah oui, à dans E+. Ouais. Donc, ma capa, c'est que Bago et Dédé, c'est un percussionniste. Hein, à l'époque, il a crié Dédé Conga. Tout à fait. Dédé Conga, c'est un percussionniste filé. Donc, il joue avec Bago. Donc, ma capa, c'est que Philippe Gno doit mailler, quoi. Et en fait, Bago ramenait Dédé vers Negmaron. Et nous tenions Bago, tu tenais un mot qui te gardait tout long, Pakatak, qui était venu pour nous en cri de ralliement. Pakatak. Oui. C'était une expression que. Romul Hambourg, un percussionniste La Folie, et qui était entraîné quoi, et les bagots de Gavini, les bagots de Gavini jouer, regarder jouer, il a fait Pakatak! Et bagots de Gakoui. Et à chaque fois, il a dit bagots, il a crié bagots, Pakatak! Il voulait bagots paix, quoi, de manière. Et Bago, t'es gardé ça, et Pakatak. Et puis, ça t'est venu, parce que Bago, c'est un bon kakaba. Il a joué en l'eau, et puis c'est moi, hein. Il a gardé au là, il a gardé en non, il a gardé en sur non. Bago, t'es battu tout le monde sur non. Et Bago, t'es ni Pakatak, t'es gardé. Et ça t'est venu pour nous, un cri de ralliement. Les noix dans la foule, la fête au Bé, ou la fête en machin, nous pas de connu, nous a dit Pakatak. Nous savons, c'est nous seulement qui a dit ça, donc voilà. Si nous n'avons pas Pakatak, c'est rien dit nous qui l'a. Et puis, nous fait en vacances en 79, août 79, nous prenons la vacances là, nous tirons un moment, et puis Dédé, et puis groupe là, Negmaron, Saint-Anne, entre Saint-Anne et Marin là, et un jour, nous descendons jouer en l'aria, pas loin marcher. Hein. Et puis, il tenait un bourg, un camarade qui était fait un festival, et Monacajou au François. Il était passé, et puis il dit, nous, les gars, m'a fait un festival là, Monacajou, il y a ni Falfret, il y a ni Diffé, il y a ni Mona, il y a ni Yandemoun, bah, comme ça. Ça décrit bien, ça devine. Qui nous coupe là? Et ça, Pakatak, c'est pas. Ça nous dit, quand il dit, ah, faut que nous réfléchissions. Pakatak, ça veut dire, faut que nous réfléchissions. Pourquoi dire, ah, Pakatak? Et puis, il écrit Pakatak. Terminé. Voilà. Et puis, non, groupe-là, il a écrit groupe-là, Pakatak. Mais c'est pas un groupe que nous fait à dessein, quoi. C'est pas un groupe que nous fait pour nous. Spontané, quoi. Pour nous gagner l'argent, pour nous marrer. C'était vraiment par plaisir, quoi. Alors, donc, et ça vini. Festival à Avigny, festival Monacajoua, nous jouer, il tenait Falfret, effectivement, Diffé, etc. Tout ça, il tenait à l'époque, là, il tenait un foisonnement, il tenait un bagaille, un bouillonnement musical de musique pays, hein. Oui. De musique pays, de Maïe Conscient, qui est Mona, Diffé, Palanché, qui est des moments Maïe qui travaillent, la musique pays. Oui, et, oui. Et là, Et à partir de ça, à partir de ça, parce que moi, chaque fois que nous t'es joué en côté, mon carbone nous contrat. Et ça arrivait même en France, là, une partie en France, nous, quand je jouais au Chapelle du Lombard, tous les soirs, il y a un bon cavini, il fait nous signer un contrat à côté. Ouais. Tu vois, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, à partir de ça, ben là, Patti. Alors, pour rappeler à nos amis qui nous écoutent, hein, donc nous sommes avec Christian Joseph qui raconte la vie donc, du groupe Pacatac, hein, qui est né donc à. C'était spontané, hein, ou du moins, mm-hmm. c'est Pacatac qui Patti. Ça te fait un lot concert. Mais il y avait une particularité, c'est qu'il tenait coup les cheval bois, déjà d'une. Et puis, à un moment donné, il tenait des flûtes et des basses. Oui, il tenait deux basses. Ouais. Ça m'a envie, techniquement, on a envie de parler de ça aussi, parce que, regarde, oui. ces musiciens parler de monnaie, de cas de travail. Donc, il y avait des instruments, à un moment donné, vous avez réussi à transformer cette musique cheval bois avec oui, des instruments. Oui, mais ça ne s'est pas fait par la volonté de qui que ce soit. Mm-hmm. C'est la vie qui fait ça. Parce que, en fait, Max Belloni, qui joue à la basse avec nous, il avait un problème avec sa mère, qui était en phase terminale d'une longue maladie en France. Donc, il a dû partir, un mois pour soutenir sa mère, tout ça. Et donc, on l'a remplacé par Philippe Biodi. Ouais, Philippe. Et quand Philippe Biodi est arrivé, Philippe Biodi mettait rien ambiance dans le cheval bois. Il dit non, nous passons à l'âge de Philippe. Tu comprends? Parce que voilà. C'est qui mettait ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, tous les riffs de basse, là, cheval bois. C'est Philippe Biodi qui menait pour c'est Philippe Biodi qui créait ça. Ça, c'est Barreilly. Nous passons à l'âge de Philippe. Ah oui, oui, oui. Tout le monde a fait ça, je dis, mais il faut que vous sachiez, c'est Philippe Biodi. C'est Philippe Biodi qui mettait ça. Qui mettait coup de basse là, qu'on croit dans c'est la musique. Hein, c'est une création. Il a créé cette forme oui, de. Oui, oui, c'est lui qui a créé ça. De ligne de basse. Oui, c'est lui. Et alors, quand Max est revenu, on ne pouvait pas lâcher Philippe, ni lâcher Max, parce que chaque moment, tu étais ni en bagaille, tu étais ni en bagaille caméné. En swing, donc. Oui. Donc on a décidé de garder deux basses là. Et puis travailler deux basses là. C'est comme ça que ça fait, hein. C'est pas un bail. Il nous dit, bon, faut que nous mettions deux basses pour non, non, non. Non, non, il y a c'est... pas eu. Non, c'est les circonstances. Ouais, les circonstances, il fallait s'adapter au truc. Il fallait s'adapter. Et on s'est adapté. Et puis en fait, ça a donné une couleur. Il n'y a pas eu concertation, donc ça a eu une couleur, et puis une couleur qui a marqué cette époque-là. Les deux flûtes. Les deux flûtes, c'était au moment de la... Parce qu'on a commencé avec Dédé Saint-Prix, et Dédé est parti à un moment pour faire avant-vent. Avant-vent, et faire son propre chemin. Ils ont beaucoup parlé de cette époque-là où Dédé est parti faire avant-vent. Mm-hmm. Ils ont beaucoup parlé, hein. On ne savait pas vraiment ce qui s'est passé. Hein. Oui. Voilà. Donc, il y a eu des frustrations, voilà. Il y a eu des choix mal compris, mal acceptés, tu vois. Donc, mais tu sais, dans la vie est faite de rencontres et de séparations. C'est comme la naissance et la mort. Ouais. Tous les jours, il y a des rencontres avec la naissance. Tous les jours, il y a des morts. Et il y a des couples qui se font, qui se défont. Il y a c'est la vie ainsi faite. Donc, à cette époque-là, il est parti. Pacatac a continué. Pacatac a continué. Et on voulait se démarquer de la couleur. Donc, on a décidé de mettre deux flûtes pour avoir une autre couleur. Mm-hmm. Notre couleur, tout simplement. Parce qu'à l'époque, il faut dire que maintenant, il y a beaucoup de groupes qui se ressemblent, mais avant, chaque groupe voulait avoir une couleur. Identité sonore à propre. Tu vois, c'est comme quand tu entends Tabou Combo, tu sais que c'est pas Skacha. Quand tu entends avec Vecta, tu sais que c'est pas la Selecta. Quand tu entends E+, tu sais que c'est pas. Tu comprends? Ouais. Chaque groupe avait une identité sonore propre. Et à elle-même, et c'était ça. Donc nous, on s'est dit, si on continue pas qu'attaque, Dédé a fait, est parti, il a fait avant-vent, il faut qu'on change la couleur, qu'on ait une couleur à nous. Voilà. Les Mounantan, ils savent que c'est nous qui l'a. Tu vois bon? Les deux flûtes, on sent quand même aussi que tu avais cet amour pour la flûte. Hein. Mais oui, quand tu as fait papa au début, papa, là, c'était une flûte bambou. Hein. Oui, mais après, j'ai eu l'influence de Mona. Mona était... le musicien qui m'a boosté quoi parce que je me suis reconnu en Mona, je me suis reconnu en Mona. Et sa façon d'être, sa façon de jouer. Oui, sa façon de musique, mais surtout sa démarche musicale. Mm-hmm. Démarche musicale, parce que Mona a toujours joué sa musique. Mona a toujours joué sa musique avec une certaine manière. Et puis, il a remis au goût du jour des musiques fondamentales qu'on a fait. Le tambour du basse, tout ça, c'est lui qui a fait. Il avait tiré chaud avant, mais c'est lui qui a vraiment fait monter le tambour du basse, ressorti le tambour du basse. Et c'est la flûte de bambou, tout ça. Et puis, Mona avait une philosophie que j'appréciais aussi beaucoup. C'est un modèle. Au départ, puis à la fin, ça a été un ami. Voilà. au départ, oui, ça a été un modèle. J'aimais son jeu de scène, sa présence. Il avait une présence phénoménale. Il y a eu peu d'artistes qui avaient cette présence-là. Mona avait une présence. Une présence phénoménale. Tu vois, sur scène, il remplissait la scène. Vraiment, c'était vraiment exceptionnel, c'était vraiment un pied. Et à cette époque-là, c'était tout ça qui m'a forgé, quoi. Disons qu'on est dans le bon sens, et surtout dans le bon sens de la démarche musicale qui permet à notre culture d'avancer, parce que souvent, comme on dit musique traditionnelle, finalement, c'est musique nous, c'est musique pays. Oui. Musique pays a déjà avancé par rapport à ça, j'étais qu'à faire. C'était très important, à cette époque-là. Oui. Et puis, c'était une période où, Il y avait beaucoup de créativité. Il y avait aussi Sixième Continent. Oui. Sixième Continent. Il y avait des choses qui se faisaient, des choses. Et puis c'était aussi des musiques conscientes. Des musiques conscientes, plus ou moins revendicatives. Mais c'était des musiques faites pour partager une vision. Tout à fait. Une vision de nous-mêmes. Tu vois? Une philosophie. Une vision qui était vraiment tournée vers nous. Parce qu'on est un peuple qui est vraiment tourné vers l'extérieur. L'herbe est, semble-t-il, plus verte ailleurs, d'après nous, et on est tourné vers l'extérieur, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, parce que quand j'étais enfant, j'ai beaucoup entendu du calypso avec Maître Sparrow, Byron Lee, etc. Et j'ai entendu Miguel, les merengues, la mecha, il y a une période merengue, salsa, oui, la salsa, depuis les premières salsa, la Sonora Matancera, Poncera, etc. Il y a eu, on a subi beaucoup d'influences. Et le compas. Sans jamais mettre en avant notre musique. Tu vois? Et donc, et aujourd'hui, le compas, il n'y a pas vraiment dans la musique jamaïcaine. Ouais. Parce que les gens, la génération qui vient après nous, elle a choisi la Jamaïque. Elle n'a pas choisi. Donc, elle fait comme nous. Souvent, les gens disent, oh, c'est moi, my life, machin, qui ça fait d'un seul machin, bagaille. Mais c'est qui ça nous fait, nous? Qui ça nous fait, les aînés? Nous toujours garder l'extérieur, nous pas jamais garder ta nous-mêmes. On dit d'encore nous-mêmes. Regardez combien de temps Belay apprend pour y mettre tête hors dos. On a l'impression que ça revit en ce moment. Oui, heureusement. Mais on a beaucoup de musique chez nous. Mais je pense que peut-être que notre degré d'aliénation fait que on réagit en tant qu'aliéné. Parce que l'aliénation, c'est enlever à quelqu'un son fondamental. On nous a fait le reproche quand même, sans t'interrompre. Comment? On nous a fait le reproche quand même de ne pas faire une transmission. La transmission a été mal faite. Tu es de cet avis, Christian? La transmission à nos jeunes enfants, de cette musique d'ailleurs que tu jouais, on nous a fait le reproche de ne pas transmettre plus rapidement. Cette musique n'a jamais été transmise. Voilà. Elle a été récupérée par ceux qui voulaient, ceux qui en avaient l'envie, ceux qui sentaient cette musique-là, mais c'est pas une musique qu'on a transmise. Elle n'a pas été transmise. Maintenant, il y a un travail qui se fait sur le belay, sur les différents trucs. J'ai l'impression que les jeunes sont en train de récupérer un peu le belay. J'ai vu certains titres qui sont sortis une petite base de belay. Heureusement. Là, c'est un peu tard peut-être, mais je pense que ça se fait. ça se fait, voilà. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, parce que ce sont des graines qu'on met en terre, et les graines ont pour but de pousser. Voilà, et puis, de faire d'autres graines. Voilà, ce serait donc, bien. Mais en principe... Quand on voit le travail qui reste à faire, dans la mesure qu'on voit... Il y a du boulot. On voit même des groupes, il y a plein de groupes ici, c'est ce que j'essaie de comprendre, mais je pense que c'est plus le business qui est attirant. Des groupes qui prennent la peine de prendre des salles de répétition pour répéter donc des titres de l'extérieur, hein, je ne vais pas citer, mais dans toutes les soirées, on voit que ces groupes-là ne jouent pas beaucoup la musique martiniquaise. Donc ça veut dire que nous parlons de musique ici, hein, quoi. Non. Mais c'est lié aussi aux musiciens, mais c'est lié aussi au public. Mm-hmm. Parce que le public a été abreuvé de cette musique-là, tu sais. Et c'est aussi une génération. Parce que ce qu'on aime en grandissant, c'est ce qu'on a... On a connu enfant. Voilà. On a connu enfant. Et donc, en grandissant, c'est ce qu'on recherche. Les gens qui ont notre génération, qui ne sont pas forcément conscients, vont vers cette facilité-là. Même... Donc, il y a le problème des musiciens, mais il y a le problème aussi du public. Voilà, qui réclame... Moi-même, je te dis, je joue du chouchou Valbois ici. C'est pas facile de trouver un lieu pour des chevaux. Moi, c'est-à-dire qu'à la limite, si on parle qu'à jouer compas, c'est même pas la peine. C'est vrai. C'est même pas la peine. Pourquoi je compas? Pourquoi venir? Est-ce qu'on va jouer 2-3 compas? Machin, tu comprends? ou bien, il faut que c'est pour venir, wow, pour savoir si on va jouer en musique, machin. Alors que si on va jouer compas, même si c'est mauvais compas, vieux compas, sale, mal fait, depuis c'est compas. Yoka point. Même pour chanter joyeux anniversaire, Yoka fait en anglais. Donc, nous, Christian décidé aussi d'y faire en créole. Nous, qu'à côté, M. Christian Joseph. Oui, c'est très important. Et puis, alors, c'est Belle joue, ouais joue. Mais nous, qu'à côté, alors. Belle joue, ouais joue. C'est parti. Yeah. Bel jour, bel jour, bel jour. Bel jour, ouais jour. Mais c'est l'heure du flash, il est 16h. Le flash, Jeanne Mézia. Bonsoir à tous. La garde à vue d'un Allemand de 55 ans, accusé d'avoir séquestré sa femme pendant 12 ans prolongés. C'est son épouse qui dénonce les faits qui se seraient passés à Forbach en Moselle. Mais pour l'instant, aucun élément de l'enquête ne permet véritablement d'évoquer une séquestration, indique le procureur de la République qui reste prudent. Une enquête est ouverte pour séquestration, viols aggravés et actes de torture. Le ministre de l'Intérieur annonce dissoudre Civitas, une organisation catholique intégriste, après des propos antisémites sur le statut des Juifs en France diffusés dans une vidéo sur Twitter lors des universités d'été de Civitas en Mayenne. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays, écrit Gérald Darmanin qui condamne les propos tenus dans cette vidéo. Il va pouvoir rentrer en France. L'avocat Juan Branco, emprisonné hier à Dakar au Sénégal, a été libéré aujourd'hui et placé sous contrôle judiciaire. Son expulsion vers la France doit avoir lieu dans les prochaines heures. Il a été arrêté pour avoir participé à la défense de l'opposant politique Ousmane Sonko. Il est encore possible de mettre fin au coup d'État au Niger de manière diplomatique pour les États-Unis. Nous pensons que la junte doit se retirer et permettre au président de reprendre ses fonctions, déclare le porte-parole de la diplomatie américaine, alors que les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, doivent se réunir jeudi pour évoquer la situation au Niger. Hier, leur ultimatum exigeant le retour à l'ordre constitutionnel sous peine de faire usage de la force s'est terminé. Aucun déploiement militaire n'a été constaté aujourd'hui. Au moins 5 personnes tuées et 31 blessés aujourd'hui en Ukraine après 2 frappes russes sur un immeuble résidentiel dans la ville de Pokrovsk dans l'est du pays. C'est le ministre de l'Intérieur ukrainien qui l'indique sur la messagerie Telegram. Parmi les blessés, plusieurs sont des officiers de police et personnel de secours. 11 migrants sont morts et 44 sont portés disparus en Méditerranée après le naufrage d'une embarcation. Tous sont originaires d'Afrique subsaharienne. Ils sont partis du port de Sfax en Tunisie, épicentre de l'émigration clandestine. Le patron d'Altice réagit. Patrick Drahi défend son groupe de télécom et de médias cible d'accusations de corruption au Portugal. Il se dit trahi par un petit groupe de personnes, annonce lancer une enquête interne après l'arrestation de son bras droit et minimise les conséquences de cette affaire sur le groupe. Plus d'un millier de signalements depuis le début de l'année pour des loyers abusifs à Paris. Paris, la première ville à pouvoir contrôler l'encadrement des loyers, constate qu'un tiers des propriétaires ne respectent pas les tarifs fixés. Les petites surfaces, studios ou de pièces sont majoritairement concernées. Réalisateur du film d'épouvante L'Exorciste ou encore de French Connection qui lui a valu un Oscar en 1971, l'Américain William Friedkin est mort ce matin aux États-Unis. Il avait 87 ans. En football, l'attaquant portugais Gonçalo Ramos s'engage avec le Paris Saint-Germain. Il est prêté par le Benfica Lisbonne jusqu'à la fin de la saison prochaine avec option d'achat. L'attaquant de 22 ans est un grand espoir du football portugais. Il avait marqué un triplé en 8e de finale lors du dernier mondial cet hiver et avait même été préféré à Cristiano Ronaldo dans le 11 de départ. Est-ce qu'on va avoir de très beaux matchs la saison prochaine? Il est 16h passé de 3 minutes. L'info reviendra donc à 17h. 15h, 18h, Formule Vacances avec Mickaël. Formule Vacances. La formule vacances 15h, 18h. Je remercie Rodrigue Calix qui nous a tenu compagnie. Puis là, on salue l'arrivée d'Adèle. Bonjour Adèle. Et merci d'être là aussi, donc, avec nous pour la réalisation de cette émission. Émission que nous offrons tous les après-midi à nos auditeurs. Merci beaucoup. Avec Christian Joseph, aujourd'hui, on a relaté un peu l'histoire de Pacatac parce que c'est vrai qu'il y a toujours les on-dit. Aujourd'hui, la vérité éclate un peu. Donc, on parle vraiment de ce qui s'est passé, comment ça a été créé. Mais c'est formidable. On sait un peu tout. Et ceux qui sont en vacances, donc, apprennent. D'ailleurs, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes qui apprennent que Pacatac a ramené cette couleur de gros cas très très très au point avec les deux basses et puis les deux flûtes par la suite. Lui, le cheval bois. Lui, Dédé est parti. Couleur de cheval bois. Ah, couleur de cheval. Tu as du couleur de gros cas. Pardon. Autant pour moi. Cheval bois. De corriger. Ça arrive. Donc, Dédé qui est parti avec Avant-Vent à l'époque. Mm-hmm. Parti et Pacatac a continué. Vous avez tous les deux, d'une façon ou d'une autre, vous avez fait avancer cette musique. Oui, c'est à ça. À votre façon. Mm-hmm. Absolument. Mm-hmm. Toujours avec cheval bois, mais dans des styles différents. Mais voilà. Toujours la même. le même alors, esprit, quoi, la même couleur, parce que c'est une couleur qui nous est propre. Tambour et puis des belles compositions. Là, ça a vraiment fonctionné là à l'époque. Là, c'était vraiment l'époque Chevalbois. Il y a une belle époque, oui. Il y a une belle époque où même lorsqu'on est arrivé à Paris, il y a beaucoup de musiciens qui jouent avec nous, hein, parce que à l'époque, c'est nous qui avions le plus de contrats. Hein. Ouais. Dans les festivals, dans les trucs, on a sillonné un peu la France au tout début, parce qu'on a eu au départ une tribune avec le Pacataquin, la formule après Dédé, parce qu'on a joué pendant un mois à la chapelle des Lombards tous les jours, du lundi au lundi. Pendant un mois, on a joué à Chapelle des Lombards. Donc, ce qui a fait qu'on avait une vitrine et les gens pouvaient venir nous écouter, les tourneurs, parce qu'il est essentiel pour pouvoir tourner. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo, tout ça. Ouais. Les gens se déplaçaient pour te il voir. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Hein. Le Gavini, machin, et puis là même, il y a eu contact avec nous. À l'époque, c'était fax. Envoyez-moi un fax avec machin. Et puis, le fait d'être là tous les soirs nous permettait d'avoir cette vitrine, de pouvoir faire venir des gens. Mais les gens venaient même sans qu'on les invite. Ils venaient, ils savaient qu'on jouait là. Donc, ils venaient. Il y avait une pub qui était faite quand même, une bonne pub qui était faite sur Libération, tout ça, sur les journaux, certains grands journaux. Vous étiez suivi quand même par la presse. Oui. On a eu des articles sur Le Matin, Le Figaro, Figaro Magazine, Libération. L'ambition était grandissante à ce moment-là. Donc vous aviez vraiment envie d'aller encore plus loin, puisqu'il y avait tout cet entourage qui vous sollicitait, qui vous mettait donc au plus haut niveau. Non, c'est que notre musique, c'était une musique autant de danse que de spectacle. Hein, parce que on a fait pas mal de festivals, de tout ça, donc c'était plus du spectacle, du concert. Et en même temps, lorsqu'on jouait à Chapelle des Lombards, les gens dansaient. Notre musique, c'est une musique qui se danse. Et partout où on a joué, en Europe, en Suisse, en Hollande, en Allemagne, en Tchécoslovaquie, Portugal, ouais, etc. Les gens dansent. Tout le monde allait. En Italie, tout ça, les gens, les mon enlève. Ça s'est passé comme ça avec le Zouk par la suite. Hein. C'est ça. Vous étiez de la musique antillaise qui fait danser. C'était très important. Et il y a un truc aussi que je dis souvent, c'est que le public européen ou le public ailleurs est plus dans la découverte. Ils aiment bien venir découvrir un truc qu'ils connaissent pas et s'enrichir de cette chose-là. Tandis que notre public, c'est un public qui ne réagit à des choses qu'il a entendues, qui a été ressassées dans sa tête et qu'il a envie d'entendre ou de danser. Souvent, les gens ne dansent pas sur des morceaux qu'ils ne connaissent pas. Et souvent, tu as bien vu, le trois quarts du public est les bras croisés devant l'orchestre qui joue. Oui, absolument. Il y a encore des gens qui dansent, et le trois quarts des gens sont debout devant le groupe. Tu vois, Est-ce que tu as eu envie de remonter Pacatac avec les musiciens qui sont encore là? Tu as eu envie de remonter Pacatac, on a remonté Pacatac. On joue tous les jeudis à Chiché Fredo. Au nom de Pacatac? Oui, bien sûr, Pacatac. Donc, j'ai pas eu l'info. Pacatac, on a remonté Pacatac. On est tous les jeudis chez Fredo et les gens viennent nous voir. On a un bon retour. Ah. On a un bon retour. On trouve les morceaux de Pacatac, on trouve les morceaux d'avant. Oui, non, les morceaux de la période de Pacatac. Après Dédé. Oui. Après Dédé, oui. Après Dédé, parce que les morceaux de Dédé sont les morceaux de Dédé. Donc, on a un moment fait. Dédé les joue déjà. Oui, c'est pas à peine de les rejouer. On joue nos morceaux. Nos morceaux qui rapport avec Dédé. Non, il n'y a pas de problème particulier. Voilà, ça va. Et oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, la vie qu'a roulé. Mais c'est ça, mon téléphone. Là, on répète, s'il le faut. Mais entre Dédé Saint-Puy et Christian Jezoff, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Et Dédé, il est là en ce moment. On salue Dédé Saint-Puy, s'il nous écoute. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'il est là en ce moment. Donc, bel bonjour Dédé. C'est dans mon cap à aller. Donc, automatiquement, automatiquement. Mais c'est très bien que des jeunes pour nous remettre les cheval bois en place, que chaque pour ne pas arrêter un coin, penser ceci, cela. Et pour qu'ils ne nous pas qu'à joindre et puis nous mettre en relation cheval bois pour nous virer, mettre les cheval bois à un bon larelle. Donc, quand on s'en appelle, veille. Oui, plus ou moins, oui. Non, mon pas de problème, mais ça. Tout ça qui peut permettre musique à avancer et puis et que nous puissions partager et puis le grand homme, le plus grand homme, nous puissions jouer un maximum de côté, moi, je n'ai pas ni problème et puis ça. Voilà. L'essentiel, c'est que musique là, que cheval bois garder dimension et puis trapper en dimension évolutive, sous les. Nous avons crié, vieux crié, Béodi, Philippe, il a toujours Philippe, nous avons souvent, et puis Timothée Rel, Philippe là, il a toujours. Oui, Philippe, c'est actuellement Philippe Filet. Moi, il y a encore plus fort. Ah oui, bien sûr, expérience. L'expérience, c'est un vieux routier. Exactement. C'est un vieux routier, il connaît toute vis musique là. Il est 16h passé de 10 minutes, même 11 déjà. Nous sommes en direct dans l'émission La Formule Vacances, comme invité Christian Joseph, que nous allons écouter justement. Un petit morceau, Pli Appétissant. C'était Pli Bon, Pli Appétissant. Pli Appétissant, oui, oui. Non, mais attends, moi, nous devons apprendre ça, Pli Appétissant. Voilà. Il n'est pas beaucoup de bons points, il fait ça, il vit. Et alors que c'est bien nous. C'est bien nous. Bien nous, bien pays. Donc, moi, nous devons exploiter. Et puis, c'est un morceau que m'a écrit, ça a fait plus de 30 ans. C'est un morceau que j'ai écrit depuis plus de 30 ans, oui, plus de 30 ans, oui. Bon, je suis premier, je prends 37 ans, donc, ah oui, presque 40 ans quand même.